cheveux blancs sous la pesette. Faudrait bien que j'arrête les pleins phares. Je rêve de la belle vie sous un compète. Faut pas que ça se finisse en cauchemar. Soir ce c'est trop tard. Cagoule de Beretta. J'ai rempli le barillet. Mais comment ça va se terminer? Je peux pas revenir sur mes pas. Soir ce c'est trop tard. J'ai rempli le barillet. Oh, rempli le barillet. Un seul nous dirige la meute. Connu l'époque de la S. On s'est dit plus jamais. Je me suis fait des rivaux. C'est vrai que le quartier est devenu cramé. J'ai Bobby Obigo. Mais dit qu'il sort dans quelques années. La Bibi ou les vols. Faudrait bien que je fasse du chiffre. Dans les jets, everyday. On vaisseau, fuck les cops. Je roule un speed, je fléchis. La rue ou la compris. Sur lequel pourrais-tu soit me gêner. Je blanche Faudrait bien que j'arrête les pleins phares. J'rêve de la belle vie sous un compète. Faut pas que ça se finisse en cauchemar. Soir ce c'est trop tard. Cagoule Beretta. J'ai rempli le barillet. Mais comment ça va se terminer? J'peux pas revenir sur mes pas. Soir ce c'est trop tard. J'ai rempli le barillet. Oh, rempli le barillet. Oh, oh, oh, oh. Quand il y a encore une passe. Dans le bolide j'ai passé la douane. 9 mm à portée de main. Tous les jours je me dis demain j'arrête. Pénètre qui rentre, tu vois plus le temps. Proche du million à mes 18 ans. Des frérots me disent de faire attention. Devant la juge ce sera plus pareil. Le coquin ou la mort, seul pourra stopper ma faim. Tout le monde connaît le début, mais personne connaît la fin. Pour pouvoir manger du pain, fallait bien qu'on fasse du blé.